sur ce point, moi je constate en tout cas pour ce qui m'intéresse, qui sont essentiellement les discours, bon, il peut y avoir des discours sur le temps, etc., bon, peu importe, ou c'est la catégorie de temps, mais quand on analyse les discours, on marche toujours sur des repères, c'est toujours ça. Repères temporels, repères, les trois fondements essentiels de tout discours, c'est je ici maintenant, le repère de la personne qui parle, du moment où il parle, du lieu où il parle. Et il y a des repères, et des repères qui se situent dans l'interaction, des repères oraux, mais aussi des repères écrits, donc qui sont une plus grande stabilité dans le temps, qui sont effectivement les calendriers, qui sont les semaines, qui sont les catégorisations de jours, de dates, d'heures, de montres, l'apparition des montres, tout ça, on peut regarder, tout ça, on peut analyser l'évolution historique. Mais je voudrais insister sur l'idée de repères. Empiriquement, tout ce qu'on peut faire, c'est voir les repères. Et quand on construit un discours, on peut voir quand la personne parle, est-ce qu'il parle d'un moment passé, à partir du moment où il se situe, il parle d'une certaine durée, etc., etc. Et effectivement, on ne parle pas de temps à proprement parler, sauf s'il y a des discours sur le temps, là, c'est autre chose.